représente mon papa à papi à Paris, mon pied à Paris. Mon chien, mon frère, mon hamster. Le East Side, respect à ma grand-mère. Accro, on la relève de ton cerveau. Moi je t'apprends la vie, la vie, la vie. Ouais, t'as rien compris. Je vais recommencer.